Avant-propos du lecteur. Le 14 juillet 2008, à l'occasion de la fête nationale qui, de fête de l'égalité qu'elle devait être, est devenue de l'aveu général, on ne sait trop comment, la fête de l'armée, le général Jean-Louis Georgelin, chef d'état-major des armées françaises, déclarait sur France 2 ne pas croire à la possibilité d'une paix perpétuelle, étayant ainsi cette affirmation. Citation. Tant qu'il y aura des nations, tant qu'il y aura des hommes, il y aura des guerres. Fin de citation. On dira peut-être qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un militaire, qui n'a vu sa vie durant que conflit armé sur conflit armé, soutienne des thèses pessimistes sur la nature humaine et son devenir. De plus, il n'est pas de corps au sein de la société ou de l'État qui ne désire y être tenu pour éternellement indispensable. Cette déclaration, explicitement opposée à l'essai de Kant sur la paix perpétuelle, auquel elle fait référence, n'a rien d'étonnant par conséquent. Soit. Mais est-elle juste? N'est-il pas possible, tout militaire que l'on soit, de se battre avec la pensée qu'un jour, cela ne sera plus nécessaire? Afin qu'on puisse juger plus aisément de cette question, il m'a paru opportun de présenter ce texte de Kant qui, après avoir inspiré à Wilson la création de la SDN, ancêtre de l'ONU, semble à ce point tomber en désuétude qu'on puisse le critiquer sans même que cela soit relevé.